إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on continue toujours l'explication de Juz'Amma. Et nous en sommes arrivés à Surat Al-Asr. Surat Al-Asr, le temps. Naam. Surat Al-Asr est une surat mécoise. Et c'est une immense surat malgré sa brièveté. Car elle est courte en nombre de versets. Non. Mais elle suffit dans ce qu'elle contient pour celui qui la médite et qui la met en pratique. Car tout le monde la mémorise. Le petit l'a mémorisé ainsi que le grand. La personne du commun l'a mémorisé ainsi que l'étudiant en sciences. Ils ont tous mémorisé la sourate, le temps. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سبحانه وتعالى il jure ici par le temps. Il dit والعصر, par le temps. Et comme on a dit à plusieurs reprises, Allah سبحانه وتعالى jure par qui il veut parmi ses créatures. Et Allah سبحانه وتعالى ne jure pas par une chose tant qu'il n'y ait de bénéfice dans cela. Et que c'est une chose importante. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps. Le temps ici qui est la nuit et le jour. Qui est la nuit et le jour. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, il jure par le temps pour son importance et sa grandeur. Afin de quoi? Afin d'attirer le regard sur cette chose importante. Car le temps, c'est le moment où les serviteurs accomplissent leurs actes, leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il y a en cela des signes, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate le discernement, verset 62, « Et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. » Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps. Ensuite, il montre ce pourquoi il a juré. Il dit « Inna l'insana la fi khusr ». L'homme est certes en perdition. L'homme est certes en perdition. L'homme ici, c'est-à-dire tous les êtres humains. Hein, tous les êtres humains, ici c'est général. Tous les êtres humains sont certes en perdition. C'est-à-dire qu'ils sont plongés dans la perdition. Dans la plus totale. Hein, la perdition cerne tous les êtres humains de toutes parts. Hein, tout être humain est perdant. Car le perdant, c'est quoi? C'est le contraire du gagnant. Mais comme ils disent les savants, la perdition a différents degrés. Il peut y avoir une perdition absolue, totale, comme celui qui a perdu cette vie d'ici-bas et l'au-delà. Hein, celui qui n'aura pas le paradis et qui mérite l'enfer. Et on peut être perdant dans certains domaines, dans certains aspects, et ne pas l'être dans l'autre, dans d'autres. Mais c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il a parlé de façon générale. Il a mentionné la perdition générale pour tout être humain. L'homme est en perdition, sauf ceux qui sont dotés de quatre caractéristiques. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il y a une exception. Il dit « Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr » Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Naam. Donc tous sont en perdition, sauf ceux qui réalisent ces quatre choses. D'accord ? La première des choses, c'est quoi ? ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses livres, en ses messagers, en ses anges d'abord, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Naam. Ça, c'est la première chose, la foi, de croire. Et cette foi ne peut être accomplie sans la science. Cette foi ne peut être accomplie sans la science. Donc elle peut être réalisée, excepté avec de la science et en l'apprenant. Sauf ceux qui croient. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est quoi? Ils accomplissent les bonnes œuvres. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Donc la science ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'actes, d'œuvres, hein, et accomplissent les bonnes œuvres. On avait déjà parlé, c'est quoi les bonnes œuvres? Naam, c'est celles qui sont en conformité, celles qui sont sincères uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont en conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Est-ce que cela suffit? Cela ne suffit pas de croire et d'accomplir les bonnes œuvres. Plutôt, il faut aussi s'enjoindre mutuellement la vérité. Il n'y a pas de doute que chacun doit ordonner le bien et interdire le mal dans ce qu'il est possible. Ils doivent enseigner aux gens la science bénéfique. Tout ceci fait partie de s'enjoindre mutuellement la vérité. Naam. Donc dans un premier temps, tu te corriges toi-même. Tu te corriges toi-même. Tu te réformes toi-même. Naam. Tu apprends, tu as la foi en apprenant la science, en apprenant qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges, les prophètes, les messagers, etc. Naam. Et ensuite, tu œuvres. Puis tu transmets. Tu transmets la science. Et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Ça, c'est la quatrième chose. Naam. Il est du devoir de chacun de patienter. Car ces choses, telles que la foi, les œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité, elles contiennent tous des choses qui sont difficiles. La patience. Il y a trois formes de patience. Le fait de patienter dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de patienter dans ne pas tomber dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de patienter dans les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a prédestinées, dans les choses qui sont difficiles, dans les difficultés de la vie. Naam. Taïeb, donc, tout être humain, il est en perdition. Il est plongé dans la perdition, sauf celui qui est doté de ces quatre choses, ces quatre caractéristiques. Illa alladhina amanu, celui qui croit, qui accomplit les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Naam. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette sourate. Alhamdulillah, celui qui veut revenir, inshallah, sur les bénéfices dans l'explication de cette sourate des savants, qu'il revienne, inshallah, où Ta'ala. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le succès dans nos paroles et actes. Naam. Ainsi se termine cette sourate. On continue, inshallah ta'ala, avec sourate Al-Humaza. Sourate Al-Humaza. Naam. Sourate, les calomniateurs. Elles sont traduites par les calomniateurs. C'est une sourate mécoise. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul waylul li kulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadhanna fil hutama. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction approximative: malheur à tout calomniateur, diffamateur. Donc là ils ont traduit comme ça. Nous on va le traduire d'une autre façon inchallah ta'ala, parce qu'on va voir par l'explication. Waylun ici, comme on avait vu, c'est un mot pour menacer. C'est un terme pour menacer. C'est-à-dire que celui qui est caractérisé par ces choses, Allah subhanahu wa ta'ala le menace d'un châtiment douloureux. Naam. Malheur à tout, humaza, lumaza. Ce sont deux caractéristiques mauvaises. Certains savants disent que les deux ont le même sens, Al-Humaza et Lumaza. Mais ce qui est correct, Inch'Allah ou Ta'ala, c'est qu'il y a une différence entre les deux. C'est qu'il y a une différence entre les deux. Humaza, ce qu'on appelle Al-Hamz, c'est avec les actes. Hein, c'est avec les actes. Comme quelqu'un qui se moque d'une personne en faisant des signes de la tête, par exemple, ou avec les yeux, ou les mains, faire des signes des mains. Comme on a vu dans Surat Al-Mutaffifin, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et passant près d'eux, il se faisait des œillades. Naam. Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Hamz. C'est de critiquer quelqu'un, de le dénigrer, de le mépriser, ou de se moquer, etc., avec des actions, avec des actes. D'accord ? Et l'umaza, ce qu'on appelle al-lamz, c'est celui qui critique ou qui dénigre ou se moque, etc., avec la langue. Avec la langue, avec des paroles, avec des sobriquets, etc. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant des hypocrites, comme dans Surat le Repentir, verset 58, il en est parmi eux qui te critiquent au sujet des sadaqat. S'il leur en est donné, les voilà contents. Mais s'il ne leur en est pas donné, les voilà pleins de rancœur. Donc il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Il critique le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des sadaqat. Hein, avec leur langue. Non. Donc voilà la différence entre les deux. Donc la traduction, wallahu alam, qui est correcte ici du verset, c'est que malheur à toute personne qui dénigre ou critique les autres avec des gestes, ou avec la langue. Ou avec la langue. Donc celui qui a ces deux caractéristiques, ou l'un des deux, Allah subhanahu wa ta'ala le menace d'un châtiment dur. Wailun, malheur. Naam. Ensuite, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il continue à décrire le humaza et l'umaza, il dit Alladhi jama'a malan wa addada, qui amasse une fortune et la compte. Qui amasse une fortune et la compte. Naam. Parmi les caractéristiques du humaza et de l'umaza, c'est qu'il n'a pas d'autre intérêt, il n'a pas d'autre but et de souci excepté d'amasser l'argent, de ramasser l'argent, les biens, et de les compter. C'est son but. Il ne se soucie que de ramasser cette dunya et la compter. Tandis que pour l'au-delà, il est insouciant, il la délaisse. Il n'a aucun désir à dépenser ses biens dans les voies du bien, et ni dans les liens de parenté ou autre bonne chose. Naam. Car il est avare. Il ne dépense pas. Il amasse, il récupère les biens, etc. Et il compte. Comme ils disent les savants, subhanallah, comment la façon de compter ? C'est-à-dire qu'il compte. Il met son argent, ses biens, dans une boîte, par exemple, au matin. D'accord ? Et arrivé au soir, il les compte. Mais il sait très bien qu'il n'a pas touché à son argent. Mais tellement qu'il est avare, il les compte tout le temps. Il compte tout le temps son argent. Wallahu al-musta'an. Donc ça, c'est celui qui amasse une fortune et la compte. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a menacé par le dur châtiment. Donc, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةِ الْنُمَزَ أَلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ, pensant que sa fortune l'immortalisera. Pensant par son ignorance que sa fortune va l'immortaliser dans ce bas monde. C'est pour cela qu'il se démène et s'efforce à augmenter ses biens, en pensant que ses biens augmenteront la durée de sa vie. Il pense qu'il va vivre éternellement grâce à sa richesse. Il pense qu'il sera toujours dans les délices de ce bas monde et la joie grâce à son argent, mais bien au contraire. Il ne sait pas qu'en réalité l'avarice, le fait d'amasser la fortune et la compter, elle brise le temps de vie. Elle détruit les demeures. Et que certes, la bonté augmente le temps de vie. Augmente le temps de vie. Il a été dit aussi dans ce verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, pensant que sa fortune l'immortalisera, c'est-à-dire même quand il sera mort, les gens ne cesseront de faire des éloges à cette personne. Telle personne, il était, hein, il a fait ceci, il fait ceci. C'est-à-dire que lui, quand il a fait ces choses-là, il ne l'a pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais il l'a fait pour que les gens immortalisent son nom. Allahu al-musta'an. Mais en vérité, cette personne, ce n'est qu'un avarice. Ce n'est qu'un avarice. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a menacé d'un châtiment dur. Et c'est pour ça qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Kalla la yumbadan fil hutama. Mais non, il sera certes jeté dans le hutama. Kalla ici, pour bien comprendre, c'est une parole pour réprimander. Allah subhanahu wa ta'ala, il le réprimande et il le blâme. D'accord ? Mais qui peut vouloir aussi dire la certitude ? C'est-à-dire, certes, il sera jeté dans le hutama. Il n'y a pas de doute dessus. Naam. Et le hutama, c'est un nom de l'enfer. Un nom parmi les noms de l'enfer. Hein? Donc il sera jeté en enfer. Et tous ces biens qu'il a amassés et qu'il a comptés, ils seront jetés avec lui. Lui et ses biens seront jetés en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ensuite, il explique qu'est-ce que le hutama. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. Et on avait vu qu'à chaque fois que tu voyais وَمَا أَدْرَاكَ dans le Coran, à chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala il va t'expliquer c'est quoi. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. Et qui te dira ce qu'est le hutama? Allah ici il montre cela en disant, yani en montrant l'importance, hein, et la gravité de le hutama. نَارُ اللَّهِ. Qu'est-ce que le hutama? نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ. Le feu attisé d'Allah. Le feu dont les combustibles sont les gens et les pierres. Hein, cela est la première description du feu. Quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala, le feu attisé d'Allah. Un feu que personne ne peut éteindre. Il sera éternel. Contrairement au feu de cette dunya. C'est un feu, ici dans l'au-delà, le feu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah châtiera par ce feu celui qui mérite le châtiment. C'est un châtiment juste d'Allah subhanahu wa ta'ala et non un châtiment injuste. Celui qui calomnie et qui diffame et qui dénigre, celui qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera, Allah subhanahu wa ta'ala le châtiera d'un châtiment juste. Car Allah subhanahu wa ta'ala est juste et il n'est pas injuste envers ses serviteurs. Mais ils sont injustes envers eux-mêmes. Quelle est la deuxième description de ce feu? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allati tattali'u ala al-af'ida, qui monte jusqu'au cœur. Wal'iyadu billah. Ça, c'est la deuxième description d'Al-Hutama, qui par son intensité, sa force, la chaleur, elle va monter jusqu'au cœur. Elle va monter jusqu'au cœur. Sa chaleur arrivera au cœur et son cœur brûlera. Mais il ne mourra pas comme on a vu, car son châtiment sera éternel. Il n'y aura pas de mort. Allah subhanahu wa ta'ala va le châtier éternellement. Douleur après douleur, châtiment après châtiment. Subhanallah. Et les gens de l'enfer, comme il est venu dans certains hadiths, comment ils seront? Ils seront tellement grands et tellement immenses et tellement longs. Leur peau, elle sera tellement épaisse, mais tellement que la chaleur du feu, elle est intense, elle arrivera jusqu'au cœur. Et ça, yani non seulement ils se feront châtier, ça sera une douleur pour eux, que leur peau déjà, elle brûle, mais ensuite leur cœur, il brûlera. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera des nouvelles peaux, etc., etc. Châtiment après châtiment, voilà, ayyadu billah, qu'Allah nous préserve de ce feu. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, donc malgré cette intense chaleur, ils seront emprisonnés en enfer. Ils désespéreront de pouvoir en sortir. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, il se refermera sur eux. Innaha alayhim mu'sada. Il se refermera sur eux. C'est-à-dire les portes seront fermées, les portes de l'enfer. pas d'espoir de sortie. On ne leur ouvrira pas de porte. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction approximative, toutes les fois qu'ils voudront sortir, ils y seront ramenés. Et on leur dira, goûtez au châtiment du feu auquel vous refusiez de croire. Naam. En colonne de flammes étendues, fi amadin mumaddada. C'est-à-dire derrière les portes, il y aura des colonnes de feu, des piliers de feu étendus en fer, afin qu'ils ne puissent en sortir. Car ces colonnes sont comme des cadenas. Sont comme des cadenas. Des colonnes dans tous les côtés, de toutes parts, dans tous les coins. Et ça, c'est pour certifier qu'ils seront dans le désespoir total d'en sortir. Et qu'ils seront dans la certitude de rester éternellement, pour les mécréants, bien sûr. Imagine-toi, subhanallah, quelqu'un qui est enfermé, par exemple, dans cette dunya, qui est enfermé dans une chambre ou dans une voiture, et elle prend feu. Il ne peut sortir. Imagine-toi, subhanallah, cette douleur immense. Il n'a pas d'issue de secours. Les portes sont fermées. Comment il va être? Il sera dans un désespoir total, dans une peine, énorme. Imagine-toi l'enfer, oliyadu billah. Naam. Allah nous préserve de cet enfer. Ainsi se termine, alhamdulillah, cette surat, al-Humaza. On continue, inshallah ta'ala, avec surat al-Fil. Surat al-Fil. Naam. L'éléphant. Et cette surat est connue, cette histoire de l'fil, l'éléphant, elle est connue. Hein, dans cette surat. On va abréger l'histoire, inshallah ta'ala. C'était il y avait un roi qui s'appelait Abraha. D'accord? L'Abyssinien. D'accord? Et lui, c'était en vérité le représentant, un représentant général de Najasi au Yémen, du Négus. Et ce roi, il avait constaté que les Arabes, ils faisaient le pèlerinage à la Mecque. Ils faisaient le pèlerinage de la Kaaba. Naam. Donc même avant l'islam. Et ça, c'était des traces de la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Naam. Donc, ayant constaté que les Arabes faisaient un pèlerinage à la Kaaba, qu'est-ce qu'il a fait, ce roi? Il a bâti, il a construit une grande église au Yémen, à Sanaa. Dans quel but? Dans le but de détourner les Arabes du pèlerinage à la Mecque. Ça, c'était son but. Donc, il a construit cette grande église. Et quand les Arabes ils ont appris cela, il y a un homme parmi les Arabes. Il est parti dans cette église la nuit et il la souilla à l'aide de yani d'excréments. Et quand Abraha il fut mis au courant de cela, yani il a été énervé, il était en rage en conséquence de ce qu'avait fait cet homme. Donc qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de former une armée gigantesque. Une armée gigantesque. Pourquoi? Pour détruire la Kaaba. Il voulait détruire la Kaaba. Et pour cela, il a même choisi dans son armée des éléphants. Et il a le plus gros des éléphants. Il y en avait d'autres, mais il a choisi aussi le plus gros des éléphants. Donc il partit pour détruire la Kaaba. Mais une fois arrivé à l'entrée de la Mecque, il prépara son armée ainsi que son éléphant. Et il ne restait plus qu'à rentrer dans la Mecque. Mais à ce moment-là, l'éléphant, il refusa. Donc à chaque fois qu'il se dirigeait en fait vers la Kaaba, il s'agenouillait. Et il refusait d'avancer. Malgré que... Quand il lui ordonnait d'aller vers d'autres positions, mais en dehors de la Kaaba, il se levait et il marchait. D'accord? Mais quand c'était vers la Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que cet éléphant, il s'arrête, il ne bougeait pas. Naam. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoya sur eux des oiseaux. Il envoya sur eux des oiseaux, par volée, qui leur lançaient, et dans chacun d'entre eux, donc les oiseaux, ils avaient trois pierres. hein, des pierres semblables à des pois chiches ou des lentilles. Naam. Mais c'était des pierres d'argile brûlante. Naam. Donc ils avaient trois pierres, une au bec et deux aux pattes. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, hein, les a tous détruits par cela. Donc les oiseaux, ils ont, hein, ils ont jeté ces pierres, hein, brûlant d'argile, hein, sur l'armée, et tous fut tués sans exception. Tous fut tués sans exception. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a tous détruits et a protégé la Kaaba, walhamdulillah. Et ça, c'est l'histoire de cette sourate en résumé. Pour celui qui veut revenir, inshallah ou ta'ala, à cette histoire, yani, dans le détail, qui reviennent aux explications des grands savants, tels que Ibn Kathir, qu'Allah l'agrée. Naam. Et cette histoire, en vérité, c'est un signe annonciateur de la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'année de l'éléphant, car c'est le moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, il est né. Naam. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit ici, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Hein, c'est-à-dire, n'as-tu pas vu la capacité parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, son immensité, sa miséricorde envers ses serviteurs, les preuves de son unicité, de la véracité de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? N'as-tu pas vu ce qu'Allah a fait envers les gens de l'éléphant qui ont rusé pour détruire la maison sacrée? Ils se sont préparés pour cela, avec des éléphants, afin de les détruire. Hein, ils ont préparé la plus grande armée, une armée immense, que même les Arabes n'auraient pu combattre. Hein, une armée de gens, hein, venus de l'Abyssinie et du Yémen. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? N'a-t-il, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, pas rendu leur ruse complètement vaine, hein, malgré la force qu'ils avaient? Et leur puissance, Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits. Il les a détruits. Et leur force face à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas été bénéfique, ni leur ruse. Wa arsal alayhim tayran ababil. Et a envoyé sur eux des oiseaux par volée, c'est-à-dire des oiseaux dispersés, comme on a vu. Tarmihim bihijaratim min sijil. Qui leur lançait des pierres d'argile. Comme on a vu, ces oiseaux, ils portaient des pierres d'argile brûlantes. Hein, ils les ont lancées sur cette armée. Ils ont suivi le proche comme l'éloigné. Même donc ceux qui étaient proches de la maison sacrée, ils furent touchés. Hein? D'accord? Mais même ceux qui ont fui et qui étaient loin de la maison sacrée, les oiseaux aussi ont lancé des pierres sur eux et ils furent tous morts. Naam. Donc, alhamdulillah, malgré la puissance qu'ils avaient, hein, avec leurs énormes éléphants, etc., ils pensaient que personne ne pouvait les stopper, ne pouvait les arrêter. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits avec une armée d'oiseaux. Imagine-toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas ramené une armée plus grande que cette armée qu'ils avaient, ou alors des animaux encore plus grands, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a envoyé des oiseaux. Des êtres yani faibles, des oiseaux. Hein? Des créatures les plus faibles. Une des créatures les plus faibles. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer cela. Quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu montrer Allah subhanahu wa ta'ala par cela? Que la faiblesse des êtres humains. Il a voulu montrer la faiblesse des êtres humains. Ceux qui ont transgressé. Et ceux qui se sont fait tromper par leur force. Comme on avait vu auparavant dans les différentes sourates. Comme le peuple de Had, le peuple de Thamoud, Pharaon. Ils pensaient qu'ils avaient la plus grande armée, etc. Ils pensaient qu'ils avaient la force. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. C'est Allah subhanahu wa ta'ala le plus puissant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a quand même détruits. Afin que les gens, ils réfléchissent. Afin que les gens, ils réfléchissent et qu'ils méditent. Naam. Faja'alahum ka'asfin ma'koul. Et il les a rendus semblables à une paille mâchée. Subhanallah. Ils étaient une yani, cette armée. Le nombre de personnes qu'il y avait. Ils disaient même que c'est arrivé jusqu'à, wallahu alam, des milliers, 60 000, 70 000 hommes, comme il a dit Ibn Kathir. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus semblables à une paille mâchée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il nous parle de cette histoire. Quel est le but de cela? Ce n'est pas seulement de la lire, de la réciter avec nos langues, ou alors seulement de savoir ou de connaître son sens par nos compréhensions. Mais yani, le sens de cela, c'est quoi? C'est pour mettre en garde. Pour mettre en garde, hein, des mauvaises caractéristiques, hein, que les gens ne soient pas, que ne s'enflent pas d'orgueil par la force ou la richesse ou la puissance ou la force qu'ils ont. Naam. Donc on doit méditer, inshallah ou ta'ala, sur cette sourate, malgré sa brièveté, malgré qu'elle soit courte, elle comprend, alhamdulillah, beaucoup de bénéfices et beaucoup de leçons à tirer pour celui qui médite. Naam. Donc ensuite, sourate Quraysh. Inch'Allah ta'ala, on continuera demain avec sourate Quraysh et la suite, inch'Allah ta'ala. Et on finira d'ici très peu, si Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Naam. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. N'oubliez pas, inshallah wa ta'ala, ce soir, le cours de notre frère Omar Abu Saouda. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته